إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous sommes toujours dans le point numéro 4, النقطة الرابعة, et nous sommes au passage dans lequel le Cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله dit ثانيا, deuxièmement, قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dans le sens du verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voici ma voie, voici mon chemin, j'y appelle à Allah, j'y invite à Allah sur une clairvoyance, sur une science, moi et celui qui m'a suivi, moi et ceux qui m'ont suivi, et pureté à Allah, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Je ne fais pas partie des polythéistes, des associateurs. Wajhul istidlal. Là, où est le point d'argument dans ce verset ? قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأخبر سبحانه أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه قال يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى فالصحابة رضي الله عنهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله. Donc, le point qu'on retrouve dans le verset et qui est un argument dans notre sujet qu'on entame, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que celui qui suit le messager sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à Allah. Le suiveur du prophète alayhi wa sallam, puisqu'il est suiveur du prophète alayhi wa sallam, il fait comme a fait le prophète alayhi salatu wa sallam, il invite à Allah, il appelle à Allah. Il n'appelle pas à un parti bien précis, à une idéologie bien précise, à une personne bien précise, à sa propre personne, à sa propre opinion. Non, il appelle les gens, la communauté à Allah. Il les dirige vers Allah. Et ça, ce sont les gens de la Sunna. Les gens qui suivent le Salaf réellement, authentiquement, véritablement. Voilà ce à quoi ils appellent. Et voilà leur mission. Ils relient les gens à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, non pas à leur propre personne. Non pas à leur propre personne. Et combien sont-ils nombreux, ceux qui trompent les gens et qui en réalité ne font qu'appeler à leur propre personne. Ils font de leur personne la vérité absolue. Ils font de leur personne le point d'alliance et de désaveu. Alors que les véritables suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam font comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam, il a appelé les gens vers Allah azza wa jal. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Et toutes les sectes n'appellent pas à Allah. Ils appellent à leur idéologie. Ils appellent aux opinions de leur fondateur, à leur maître penseur. Même si ils disent on appelle à Allah, mais lorsqu'on regarde réellement, lorsqu'on vérifie, on voit très bien que ce n'est pas un appel à Allah, Azza wa Jal. Puisque ça contredit ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam. Et le véritable qui appelle à Allah, c'est le véritable suiveur du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui appelle à Allah, qui invite à Allah sur une clairvoyance, c'est un devoir de le suivre. Puisqu'on a la parole d'Allah le Très-Haut lorsqu'il nous parle, subhanahu wa ta'ala, sur les djinns, une communauté de djinns qui ont entendu la récitation des versets. Celui qui les invite à Allah Azza wa Jal, et Allah a agréé leurs paroles lorsqu'ils ont dit dans le sens du verset ô notre peuple, lorsqu'ils sont retournés chez les leurs, les djinns, répondez favorablement à celui qui invite à Allah et croyez en lui. Et aussi parce que celui qui appelle à Allah sur une clairvoyance, sur une science, il a appelé, invité les gens à la vérité. Tout en le sachant, il sait à quoi il appelle. Et l'appel, l'invitation, ici ad-du'a, hein, vous le voyez où est-ce qu'on en est, hein, le terme ad-du'a, ici c'est ad-da'wa. Dans le sens de l'appel, le prêche, l'invitation. Et appeler aux règles, aux lois, au jugement d'Allah, c'est appeler à Allah. Car appeler, inviter à son obéissance, à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, dans ce qu'il a ordonné ou interdit, et les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ils ont suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam, donc il est un devoir, une obligation de les suivre lorsqu'ils appellent, ils invitent à Allah. Thalithan, troisièmement, troisième argument, qawlullahi ta'ala wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, dans le sens du verset, et quiconque se cramponne à Allah, s'attache à Allah, Allah le guidera vers un chemin droit, vers une voie droite. Wajhul istidlal, le point ou le passage dans le verset, hein, qui est un argument concernant le sujet dans lequel on est. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, donc toujours l'explication d'Ibn al-qayyim alayhi rahmatullah. Wajhul istidlal bil aya annahu ta'ala أخبر عن المعتصمين به عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق. الله تبارك وتعالى nous informe dans ce verset que ceux qui se cramponnent en lui, qui se rattachent à lui سبحانه وتعالى, alors ils seront guidés vers la vérité. فنقول Donc Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dit, et donc nous disons, As-Sahabatu Ridwanullahi alayhim. Vous avez un dhamma sur le ra? Hein? C'est une erreur, hein? C'est un kasra. Ridwanullahi alayhim. Mu'tasimuna billahi. Fahum muhtadun. Fattiba'uhum wajib. Donc il dit, nous disons, les compagnons qu'Allah les agrée tous sont tous, se sont tous cramponnés à Allah, sont tous rattachés à Allah, donc ils sont guidés et de les suivre, c'est une obligation. Rabi'an, quatrièmement, quatrième exemple, Qawlullah ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dans le sens du verset, et quiconque fait scission, se détache, s'éloigne du messager après que la guidée lui soit montrée, après que l'épreuve lui soit clarifiée, et ne suit pas le chemin, la voie des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans le feu de la, dans la géhenne, dans le feu, et quelle mauvaise demeure. Wajhu al-istidlal. Donc, la partie ou le passage qui est un argument à notre, dans notre sujet. قال الإمام ابن قدامة في ذم التأويل. L'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, dit dans son ouvrage Dhammu al-Ta'wil, فَمَنْ أَحَبَّ الْكَوْنَ مَعَ السَّلَفِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْعُودًا بِمَا وُعِدُوا بِهِ مِنَ الْجَنَّاتِ وَالرِّضْوَانِ فَلْيَتَّبِعْهُمْ بِإِحْسَانٍ وَمَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ دخل في عموم قوله تعالى فذكر آية النساء هذه. Donc il dit, celui qui aime, qui aimerait, qui aurait espoir, qui voudrait être avec les pieux prédécesseurs dans l'au-delà, et qu'il ait la même promesse qu'il gagne, la même promesse qui leur a été faite, qui est de gagner les jardins du paradis et les satisfactions d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors il se doit de les suivre convenablement, de la meilleure manière. Et celui qui suivrait une autre voie que la leur, alors il entre dans la généralité du verset de la sourate An-Nisa, c'est le verset qu'on vient de réciter. وعقد رحمه الله في ذم التأويل بابا فقال. Et l'imam Ibn Qudamah رحمه الله a émis dans son livre un chapitre qui lui a donné comme titre الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. Donc la deuxième chapitre sur la clarification de l'obligation de leur suivi, du suivi des pieux prédécesseurs et l'ordre d'être sur leur voie, sur leur méthodologie, sur leur chemin, et cela est expliqué comme est appuyé par le livre, la sunna et les paroles des imams de l'islam. Donc c'est-à-dire que après ce titre, hein, Imam Ibn Qudam rahimallah va ramener les versets, il va ramener les hadiths, il va ramener les paroles des ulama qui concernant ce titre-là. ثم دلل على الباب بقوله أما الكتاب فذكر هذه الآية من سورة النساء. Et donc, puis après, il va ramener les arguments et les preuves. دلل, il va argumenter. C'est le verbe, le mot c'est دليل. D'accord ? Il va argumenter, il va amener les preuves concernant le titre qu'on vient de citer. Et il a rapporté le verset coranique de Sourate An-Nisa qu'on a cité. Thumma qala. Puis Ibn Qudamah rahimahullah dit: Fatawa'ada 'ala ittiba'i ghayri sabilihim bi'adhabi jahannam wa wa'ada muttabi'ahum bir-ridwan wal-jannah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a menacé ceux qui suivent une autre voie que la leur d'un châtiment dans le feu de l'enfer. Et il a promis à ceux qui vont les suivre les satisfactions dans le paradis. Et le paradis. فَقَالَ تَعَالَى وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et puis il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset: et les premiers, les prédécesseurs parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis convenablement, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah les agrée et eux l'agréent. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Et il leur a promis, il leur a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Voilà le grand bien. Donc pour celui... Ça, c'est la récompense, ça, c'est la promesse faite à ceux qui les ont suivis de la bonne manière. Et dans le verset précédent, on a vu ce qui attend ceux qui ne suivent pas leur chemin. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa yattabi' ghayra sabili al-mu'mini nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira » Donc voilà ce qu'attend ceux qui ne suivent pas leur chemin, et voilà ce qui attend ceux qui suivent leur chemin. فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم. Donc, il a promis à ceux qui vont les suivre de la meilleure manière, convenablement, ce qu'Allah a promis à ses premiers prédécesseurs comme satisfaction, paradis et grand gain et grande récompense. Khamisan, cinquièmement, قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية المشهور رضي الله عنه المشهور وفيه فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة الحديث أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. On a la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qu'on retrouve dans le hadith célèbre du compagnon Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Et dedans, dans ce hadith, on retrouve la parole du prophète sallam: cramponnez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Mordez-la avec vos molaires, mordez-la à pleines dents et attention, il y a toute nouveauté en religion, car toute innovation est un égarement. Le hadith est rapporté par les imams qui ont compilé les recueils de Sunan, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Ibn Majah, on les appelle Ashabu Al-Sunan. Et le hadith, il est authentique. Wajhu Al-Istidlal. Donc, la partie, le point du hadith, hein, qui est un argument dans le sujet dans lequel on est. Qala Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. L'Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah dit à ce sujet: فقرنا يعني صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنا سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بأن يعض عليها بالنواجذ وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة انتهى كلامه رحمه الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a lié entre sa sunna et celle de ses califes qui viennent après lui. Et il a ordonné de la suivre comme il a ordonné de suivre sa propre sunna. Alayhi salatu wa salam. Et il a même demandé cela d'une manière très forte. Il a ordonné cela d'une manière forte, recommandée. Jusqu'à qu'il a dit alayhi salatu wa salam de la bien la mordre avec les molaires. C'est-à-dire de bien y tenir. Ne pas laisser personne faire dévier de leur chemin. Et ceci comprend les décrets et les fatawas qu'ont fait les califes bien guidés et ce qu'ils ont émis comme tradition pour la communauté. Ici se termine la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. وقال الإمام ابن قدامة في ذم التأويل فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. Ici, Ibn Qudama, rahimahullah, dit aussi, dans son explication de ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné de bien s'attacher à la sunna, à la tradition de ses califes, comme il a ordonné cela pour sa sunna, alayhi salatu wassalam. Et il a informé, alayhi salatu wassalam, que les nouveautés en religion sont de l'innovation et de l'égarement. Et c'est toutes choses qui sont faites et qui ne font pas partie du suivi du messager alayhi salatu wassalam ni de la tradition de ses compagnons. Naqlan muhimman fil babi huna. Deux passages importants qui sont en lien avec le sujet que le Cheikh Abdullah al-Bukhari va nous rapporter. قال الإمام أولا premièrement قال الإمام عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه العظيم الرد على الجهمية رادا على قول بعضهم في باب الرؤية إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. L'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, rahimahullah ta'ala, dit dans son grand ouvrage qui s'intitule « Réfutation à l'encontre de l'Jahmiya »« Réponse à l'encontre de la secte des Jahmiya » et en réponse à la parole ou l'opinion de certains parmi eux dans le domaine de la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà. Fi babi ar-ru'ya, la vision. Ici, il est voulu, dans l'aqida, on est dans l'aqida, on répond à l'jahmiya. Ici, ar-ru'ya, il est voulu, ru'yatullah tabaraka wa ta'ala, la vision d'Allah azza wa jal dans l'au-delà. Et ça, c'est la croyance de l'ahl sunna. Et certains parmi l'jahmiya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'acceptons pas les citations des salafs, al-afar, et on ne s'argumente pas avec. Donc l'imam al-Darimi, il répond à cette phrase de certains parmi les Jahmiyyah qui l'ont dit clairement, hein, ils ont dit, nous n'acceptons pas ces citations des salafs, al-Athar, et nous ne nous argumentons pas avec. Et il a répondu à celui qui a proféré cette parole, Qultu ajal wa la kitab Allah taqbalun. Donc l'imam al-Dari dit, je dis, bien sûr, mais même le livre d'Allah, vous ne l'acceptez pas. Mais même le livre d'Allah, vous ne l'acceptez pas. Ara'aytum in lam taqbaluha atashukuna annaha marwiyatun 'an as-salaf ma'thuratun 'anhum mustafidatun fihim yatawarathunaha 'an a'lam an-nas wa fuqaha'ihim qarnan ba'da qarn. Qalu na'am. Ne voyez-vous pas que si vous n'acceptez pas ces paroles, une question va être posée. Est-ce que vous doutez que ces citations sont bien rapportées des salafs? Quel est un héritage émanant d'eux? Ce sont des citations bien répandues et célèbres et connues à leur époque. Les grands savants de l'islam ont hérité ces citations de siècle en siècle. Ils vont dire oui. Sur ça, ils ne doutent pas. Ils reconnaissent qu'elles existent bien, les citations. Leur refus, leur rejet n'est pas dû au fait qu'ils remettent en cause les citations de leur véracité. Non, ils savent que ces citations sont véritables. Ils ne peuvent pas les remettre en doute, tellement qu'elles sont connues et célèbres chez les savants de l'islam de l'époque. Et de siècle en siècle, de génération en génération, ils ont hérité ces citations des pieux prédécesseurs. Donc ils vont dire oui, on reconnaît qu'elles existent bien et qu'elles sont authentiques. Qulna fa hasbuna iqrarukum biha عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء. Donc il nous suffit, on dira, puisque vous reconnaissez cela, on va dire que cela nous suffit. Cette reconnaissance de votre part, elle nous suffit comme preuve contre vous que ce sont des citations bien célèbres et bien connues et authentique, et que les ulama, les grands imams et les savants de l'islam l'ont rapporté de génération en génération. Tadawalatha, c'est pas une erreur, hein, pour ceux qui font l'arabe. Tadawalatha, c'est féminin. Le verbe il est au féminin. Au masculin, ça serait tadawalaha, n'est-ce pas? Et derrière, c'est du masculin qu'il y a. العلماء والفقهاء. تداولتها العلماء والفقهاء. Qui connaît la réponse? تداولتها, le verbe là il est conjugué au féminin, singulier. العلماء والفقهاء, c'est le sujet. Pourquoi? C'est parce que le verbe, il est... Parce que les mots ulama, fuqaha sont un jam'u, un pluriel. Comment on l'appelle celui-là? Jam'u taksir. C'est pas... Il n'est pas sale. D'accord? Jam'u taksir. Donc le verbe, avant, on peut le mettre au singulier. Féminin, contrairement s'il était sale. Jam, on en a deux sortes. Jam al-tashih, ou jam ou. D'accord? Donc c'est pas une erreur, ça c'est de l'arabe. Tadawalatha al-ulama'u wal-fuqaha'u. Alors on dit pas qalat al-muslimun. On dit qala al-muslimun. Al-muslimuna, waw nun, ça c'est un jam'u tashih. Donc là, on ne pourra pas. Il faudra le mettre au masculin. D'accord? Mais si c'est un jama, on peut dire qalatir rijal. Parce que rijal, c'est un jama. Taksir, c'est pas un jama. Tasrih. Ça, c'est une parenthèse. Donc, les ulama, les imams de l'islam, hein, ils l'ont hérité les uns des autres. فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتم الآثار كلها. Ramenez comme nous on ramène les citations des pieux prédécesseurs qui défendront votre opinion. Rapportez. Nous on vous rapporte les citations. Faites de même. Rapportez ce qui va prouver vos prétentions qui vous ont amené à démentir toutes ces citations. فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. Vous êtes incapable de ramener une seule citation qui viendrait prouver votre opinion. وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم Et vous savez très bien qu'on ne peut détailler les traditions du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons, leurs jugements et tout ce qui est relatif à eux qu'avec ces citations des pieux prédécesseurs et ces chaînes de narration. إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من اختلاف. Bien que parfois dedans, on peut trouver quelques différences. وهي السبب إلى ذلك. Et c'est la cause de cela. والنهج الذي درج عليه المسلمون. Et c'est la voie entreprise par les musulmans. وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل. Et elle était leur imam, c'est-à-dire, c'était leur chemin qu'ils suivaient après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce sont les chaînes de narration, tous les récits dans lesquels il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a les paroles des sahaba et des premiers parmi les musulmans. Minha yaqtabisun al-ilm, wa biha yaqdun, wa biha yuqimun, wa alayha ya'tamidun, wa biha yatazayyanun, yarithuha al-awwal minhum. الآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من يسمعها يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم. Donc avec ces citations des salaf, c'est une science qu'ils prennent. Avec ces citations, ils jugent et ils s'appuient sur elles. Et avec ces citations, ils s'embellissent, parce que c'est un savoir qui est noble. Et le dernier vient à l'hériter du premier. Celui qui a été témoin la transmet à celui qui était absent pour s'en argumenter et la transmettre à celui qui va l'écouter. Et ils l'appellent, ils appellent ce savoir qui est lié à la chaîne de narration, les sunnah, les traditions et les citations des pieux prédécesseurs. Et c'est la compréhension et c'est la science. وَيَضْرِبُونَ فِي طَلَبِهَا شَرْقَ الْأَرْضِ وَغَرْبَهَا. Et ils vont même traverser l'Orient et l'Occident à la recherche, à la demande de ces citations. يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. Donc, il dit, alayhi rahmatullah, l'imam al-Darimi, avec ces citations, ils rendent licite ce qu'Allah a rendu licite. Ils interdisent ce qu'Allah a interdit. Ils distinguent la vérité du mensonge, le vrai du faux. Et les traditions prophétiques, la sunna de l'innovation, ils s'argumentent avec pour expliquer, commenter le Coran, le sens du Coran, les lois et les règles qu'il y a dans le Coran. Ils connaissent par ces citations l'égarement de celui qui s'est égaré de la guidée. Donc, tous ceux qui essayent de dévier, de s'éloigner, de se passer de ces citations, en réalité, il ne fait que s'éloigner, se passer des citations des pieux prédécesseurs et de leur guider. Ils cherchent par là à les contredire pour prendre comme religion sa propre passion et pour interpréter le livre d'Allah avec sa propre opinion, contrairement à ce qu'Allah a voulu par ses versets. فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى مِنْهَاجِ أَسْلَافِهِمْ فَاقْتَبِسُوا الْعِلْمَ مِنْ أَثَارِهِمْ. Si vraiment vous êtes croyants et sur la voie de leurs prédécesseurs, alors recherchez le savoir dans leurs récits, dans leurs citations. وَاقْتَبِسُوا الْهُدَى فِي سَبِيلِهِ. Et recherchez et prenez la guidée dans son chemin. Wardo bihadhihi al-athar imaman. Et soyez satisfait de ces citations comme chose à suivre. Kama radiya biha al-qawm li anfusihim imama. Comme les premiers, le qawm ici il est voulu, les premiers de la communauté l'ont été satisfaits de ces citations à suivre. Fala amri ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم. Et par Allah, vous n'êtes pas plus connaisseur du livre d'Allah qu'eux et vous n'êtes même pas égaux à eux. ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما تروى. Et il est impossible de les prendre comme exemple, de les suivre si ce n'est par le biais, par l'intermédiaire de ces récits et ces citations comme ils sont rapportés, comme ils sont relatés. فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc tous ceux qui ne les accepteront pas, ils veulent en réalité suivre une autre voie que celle des croyants. وقال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et Allah le très haut a dit à ce sujet dans le sens du verset, et il suit et qui suivent une autre voie que celle des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné et nous le jetterons dans la géhenne, et quelle mauvaise demeure. Deuxième citation que cite Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, il dit deuxièmement, قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل. L'imam ibn Qudama رحمه الله dit dans son ouvrage ذم التأويل, فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دلت عليه, فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين, فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن اتباع الصواب واجب. وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم وقد أمر الله باتباع سبيله وصراطه ونهى عن اتباع ما سواه فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc, il dit عليه رحمة الله. Il est prouvé dans les textes l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse clémence. Ceci est prouvé par le livre, par la sunna et l'unanimité, le consensus des musulmans, des savants de l'islam. Et même la raison, elle mène vers là. Car les pieux prédécesseurs, ils ne sortent pas de deux hypothèses. Soit ils ont vrai, ou soit ils ont faux. Soit ils sont dans la vérité, ou soit ils sont dans le faux. C'est l'un ou l'autre. Et si ils ont eu raison, et ils ont dit vrai, c'est un devoir de les suivre. Car de suivre la vérité, c'est une obligation. Et de commettre l'erreur dans la croyance et le dogme est interdit. Et si ils ont eu bonne réponse, ils étaient dans le vrai, alors c'est qu'ils étaient sur le droit chemin, la voie droite. Et celui qui les contredit, celui qui va à leur encontre, ne fait que suivre le chemin du diable. Qui mène et qui guide vers la voie de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de suivre son chemin et sa voie et a interdit de suivre tout autre chemin. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset et voici mon chemin dans toute sa rectitude droit. Suivez-le et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous faire dévier de son chemin. Voilà ce qu'il vous recommande, ce qu'il vous ordonne afin que vous atteigniez la piété. Et si quelqu'un viendrait à prétendre l'autre hypothèse, c'est qu'ils ont eu tort. Ils se sont trompés. Ils sont dans le faux. C'est l'autre supposition. Kana qadihan fi haqqi l'islam kullihi. Celui qui vient prétendre cela aura remis en cause tout l'islam. Aura critiqué, dénigré tout l'islam. Li'annahu in jaza an yukhti'u fi hadha جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. Car si on permet qu'ils se sont trompés dans ces questions-là de la religion, alors il se pourra aussi qu'ils se sont trompés dans les autres questions de la religion. Donc on pourra remettre en cause toute la religion. وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها. Et il faudrait qu'on ne transmette plus les citations et les récits qu'ils ont transmis. Voilà toute bête mu'jizat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam allati rawaha. Et on remettra en cause tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont rapportés, relatés. Fatabtulu ar-ru'ya wa tazulu ash-shari'a. Et donc là, on ne pourra plus reconnaître qu'il y a dans la croyance la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala et la législation, elle viendrait à tomber aussi. ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده. Et il n'est pas permis à un musulman de dire ce genre de parole ni d'y croire. Ici s'arrête la parole de l'imam Ibn Qudama rahimahullah. Puis le cheikh rahimahullah dit: wa kama qultu, et comme j'ai dit, al-adillatu kathiratun. Les preuves, les arguments sont nombreux à ce sujet. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.